Chapitre 15e. Arrivée d'El Culebra. Lorsque le fracas du combat lointain parvint aux oreilles du chef Oweta, il eut un instant d'hésitation. La tentation était grande de rebrousser chemin. La durée de ces bruits lui permit de juger qu'en attaquant le campement qu'il avait si récemment abandonné, les soldats avaient rencontré une force considérable et que s'il avait su y attendu, les cavaliers des États-Unis auraient été complètement mis en déroute. Le chef grimaça un sourire, se demandant qui pouvait bien avoir occupé sa place et qui se battait au lieu de lui. Il eut le soupçon de la vérité. Mais il savait que ces bagarres soudaines se terminent promptement et que, suivant toute probabilité, s'il revenait sur ses pas, il arriverait trop tard. Il n'en avait pas moins le désir très vif de savoir exactement ce que tout cela signifiait. Il dépêcha donc deux de ses meilleurs guerriers à cheval, munis d'instructions précises, et il continua sa route avec le reste de la bande. L'événement justifia ses prévisions. Il n'était pas encore trop loin pour entendre, lorsque les bruits de la lutte s'éteignirent. Les Comanches connurent ainsi que, quels que fussent les combattants, la bataille était finie. Dès lors, ils se mirent à fuir pour tout de bon, car le voisinage des troupes régulières les alarmait un peu. Une petite troupe d'hommes résolus aurait suffi à les arrêter quelque temps, et il était plus que probable que la vallée du Brazos enverrait à leur poursuite des forces importantes. Si les hommes de la frontière se joignaient aux soldats, il n'était pas difficile de deviner ce qui en résulterait, à moins que la bande d'Oweta ne reçût du renfort de quelque côté inattendu. Ils ne prirent cette nuit-là que quelques heures de repos, et longtemps avant le matin, ils précipitaient leur course vers les confins accidentés du Llano Estacado. C'était un dur voyage pour des femmes et qui aurait brisé bien des hommes robustes n'ayant pas l'habitude de vivre à cheval. Mais elles étaient l'une et l'autre accoutumées aux fatigues des chevauchées dans la plaine. Elles savaient d'ailleurs que si elles bronchaient ou tombaient épuisées, ce serait le signal de leur mort. Jusque-là, les Comanches les avaient traitées avec certaines démonstrations de respect. Ils avaient l'espoir que même si des amis ne venaient pas à leur secours, elles seraient tôt ou tard mises à la rançon, car elles avaient entendu parler de cas semblables. On ne leur liait les mains que lorsqu'on faisait la halte générale pour dormir, mais on les surveillait constamment, et ils n'avaient pas encore entrevu la moindre chance de s'échapper. Les chevaux qu'elles montaient étaient évidemment inférieurs à beaucoup de ceux des guerriers indiens, et un essai de fuite ne pouvait aboutir qu'à leur mort au bout d'une courte course. Le fait d'être ensemble était sans doute pour elles un soulagement et une force, mais cela compliquait aussi les choses, car Madge n'aurait jamais voulu tenter de s'évader seule. Or, la présence de Mrs. Dennison diminuait fortement ses chances de réussite dans toute tentative de ce genre. Pourtant, elle songeait souvent à la possibilité d'une évasion lorsque les sauvages seraient arrivés à un campement permanent. Et elle serrait contre sa poitrine, avec une satisfaction farouche, une petite arme qu'elle possédait à l'insu de tous. Si les choses en venaient au pire, elle y aurait recours. Elle se servirait de ce petit tube avec sa demi-douzaine de chambres où la mort repose et d'où la mort peut jaillir, soit contre elle-même, soit contre ses ravisseurs, suivant l'occurrence et le besoin. Ce fut donc avec un profond sentiment de soulagement que Madge vit qu'ils étaient enfin parvenus à leur lieu de destination, pour le moment du moins. C'était un petit village niché sous des rochers en surplomb qui marquait l'entrée d'une des gorges étroites et sombres appelées Canyon, laquelle devait, semblait-il, se prolonger très loin. Il pouvait y avoir une trentaine d'habitations dispersées sur une certaine longueur au commencement de cette gorge. La plupart étaient de grossières tentes en peau de buffle, supportées par des pieux flexibles. Elles servaient de magasins ou de retraite pendant le mauvais temps, car ces Indiens vivaient la plus grande partie de l'année en plein air. Les femmes, les enfants et quelques hommes qui étaient restés pour la garde du village reçurent les arrivants avec tous les signes de la joie. Non seulement les maraudeurs revenaient chargés de chevelures et de butin, mais on sut bientôt que les guerriers qui manquaient suivaient un autre chemin, de sorte que l'expédition s'était accomplie sans aucune perte et avec quelques blessés à peine du côté des Indiens. Bien des regards, les uns curieux, les autres féroces, se posèrent sur les prisonnières. La foule fit même un mouvement dans leur direction, mais Oweta écarta silencieusement de la main les mal intentionnés et conduisit les deux femmes dans une des tentes qu'il leur attribua spécialement. C'est là qu'elles se reposèrent enfin, tout à fait à bout de force, et repoussant avec dégoût la nourriture qu'on ne tarda pas à leur présenter, elles s'endormirent d'un profond sommeil dans les bras l'une de l'autre. Les sauvages firent comme leurs captives ils avaient besoin de repos après leur récente fatigue. On avait établi à quelque distance de la hutte des deux femmes un poste de garde, mais la nuit les sentinelles se rapprochèrent et on lia les mains des prisonnières comme on le faisait pendant la marche. Le lendemain, on leur permit à certains moments de sortir et de se promener dans des limites marquées par un cordon de garde. C'était là une faveur précieuse, car Madge, exubérante de jeunesse et de force, aurait dépéri et serait morte, privée de grand air et de soleil. Elle profitait de toutes les occasions pour imprimer dans son esprit la situation du campement et ses issues possibles, bien qu'elle n'aperçût guère aucune perspective d'évasion. Devant le village, en dehors de l'entrée du canyon, s'étendait une petite savane que limitait un cours d'eau. Dans cette pampa en miniature, paissaient les mustangs, toujours sous l'œil vigilant des sentinelles. On ne s'étonnera pas de cette sollicitude quand on saura que les Indiens de cheval, comme on les appelle, dépendent absolument de leurs chevaux, et qu'une fois démontés, ils perdent toute l'ardeur de bravoure qui, lorsqu'ils sont en selle, font d'eux des héros audacieux à l'égal de ceux que dépeignent les poèmes et les romans de chevalerie. En travers de l'entrée du canyon s'étendait sur une certaine profondeur le village Comanche, qu'il était absolument impossible de traverser sans être vu. De chaque côté s'élevaient à pic et crevassés par places les murailles rocheuses du canyon. Derrière le village, le lit du ravin présentait un chemin étroit, inégal, plein de roches pointues qui s'élevaient de plus en plus, mais sans atteindre la hauteur des parois abruptes. Le long de ce sentier, une chèvre de montagne ou même un coureur indien adroit et bien entraîné pouvait peut-être passer à toute vitesse, mais avant de s'aventurer sur une telle route, même au pas, un cavalier y aurait regardé à deux fois. C'est ce que pensait Madge, en sondant de ses yeux pleins d'inquiet désir ce passage qui ne semblait pas être surveillé. Il se demandait si la tendre chair de ses pieds ne foulerait jamais, en une fuite éperdue, les rugosités de ce sol pierreux. Au coucher du soleil, elle donna encore un coup d'œil dans cette direction. La gorge paraissait plus lugubre que jamais. Et cependant, sans les gardes qui épiaient d'un air maussade chacun de ses mouvements, elle aurait volontiers saisi Mrs. Dennison par la main et l'aurait entraînée dans une course désespérée le long du ravin. Il lui semblait qu'elle pourrait y trouver un refuge provisoire où se cacher et tromper les recherches. Et puis, même la tombe vaudrait mieux, pensait-elle, que cette mort vivante dans la captivité et l'incertitude au milieu du village Comanche. Elle n'avait encore rien pu apprendre des intentions de ses ravisseurs. Une ou deux fois, elle avait essayé de questionner Oweta, mais celui-ci s'était détourné sans rien dire, et elle avait craint d'insister. Le lendemain, il y eut de l'émotion dans le village. On entendait des voix parler avec vivacité et semblait-il à Madge une excitation insolite. Lorsqu'elle sortit de sa hutte, elle remarqua qu'il n'y avait que la moitié des gardes à leur poste, et qu'ils étaient plus occupés à regarder vers la plaine qu'à les surveiller. Elle prit la main de Mrs. Dennison et elles se mirent à se promener. Personne ne leur parlait, personne n'avait l'air de faire attention à elles. Tous les visages se tournaient vers la plaine, regardant une bande de guerriers qui s'éloignait au galop. Pour la première fois, elles dépassèrent la ligne qui semblait être la limite fixée par les sentinelles. La main dans la main, et affectant l'insouciance dans leur démarche, elles commencèrent à remonter le canyon. Elles avaient fait lentement une centaine de pas, sans qu'un cri d'avertissement ou de menace se fût fait entendre. Le chemin était raboteux, assurément, mais pas aussi dur que Madge s'y attendait. Malheureusement, il paraissait aller très loin tout droit, et elles n'avaient encore rencontré aucune fissure, crevasse ou passage, par où elles auraient pu gagner les hauteurs sans être vues, ou même se cacher aux yeux des habitants du village dans le bas. Elles apercevaient cependant à quelque distance à droite une sorte de renfoncement qui pouvait être l'ouverture d'un petit ravin latéral, lorsqu'une exclamation partie justement de cet endroit les fit tressaillir. En même temps, une forme sombre bondissait vers elles. C'était Oweta, le chef Comanche. « L'oiseau blanc du Brazos ne pourra pas s'envoler de la tente d'Oweta, le héros Comanche. Qu'elle y retourne. Oweta n'attendra pas davantage. Il faut qu'elle vive dans sa tente. Elle sera la squaw d'un grand chef. » Cette menace subite et le sens terrible qu'elle contenait ébranlèrent d'un choc violent les nerfs de Madge, qui, loin d'essayer de s'envoler, resta comme clouée sur place, pâle et tremblante. « L'oiseau blanc n'a pas besoin d'avoir peur. C'est pour être la parure brillante de sa tante qu'Oweta veut l'avoir. Il ne l'avait point prise pour lui, mais depuis qu'il a vu son visage et qu'il a chevauché avec elle sur le sentier de la prairie, il ne peut plus la céder à personne. Quelque Olebra cherche une autre squaw. C'est à Oweta qu'appartiendra l'oiseau blanc du Brazos. Non, blanc et rouge ne se mêlent pas. Je n'ai pas vécu dans la tente des Comanches et je ne connais pas leurs coutumes. Qu'Oweta rende l'oiseau blanc du Brazos, comme il l'appelle, à ses amis, et ceux-ci le récompenseront richement. Oweta a vécu dans les habitations de l'homme blanc, et il saura comment traiter la squaw blanche. C'est un grand chef. Personne n'est plus rusé, elle ne frappe plus vite et plus dur que lui. Il y a beaucoup de braves parmi les Comanches, mais ils ne redoutent la comparaison avec aucun. Ils parcourent la plaine à son gré. Lorsque monte la fumée dont il se sert comme de signal, d'autres bandes, aussi fortes que celles-ci, arrivent et l'appellent chef. Ils sont maintenant là-bas, à chasser le buffle, mais bientôt, Oweta et sa squaw les rejoindront. L'oiseau blanc ne peut pas aller avec Oweta. Le sentier est long, il tomberait de faiblesse en chemin. Mais qui est El Culebra? Ce n'est pas votre maître. Assurément, le grand chef guerrier des Comanches ne le craint pas. Le Comanche se releva en un mouvement d'orgueil blessé. Non, Oweta ne craint personne. El Culebra est depuis longtemps le frère blanc des Comanches. C'est la couleuvre des plaines. Les blancs l'appellent la terreur de la piste. Comme il s'est glissé dedans, il se glisse dehors, invisible à tous. Il tue les blancs aujourd'hui, et demain il s'assied dans la tente de son frère. Il devait me rencontrer avec ses hommes sur le Brazos pour piller et égorger. Il n'est pas venu de sorte qu'Oweta a fait le coup tout seul. Mais le serpent en donnerait gros pour l'oiseau blanc, et Oweta voulait la lui livrer, mais maintenant elle est la lumière de ses yeux et il faut qu'elle vive dans la demeure d'Oweta. Cela ne se peut pas, répondit Madge avec fermeté. Mieux vaut la mort qu'une telle vie. La flamme de la colère commençait à luire dans les yeux du chef. Il porta la main au couteau qui était à sa ceinture. Oweta ne tuera pas l'oiseau blanc, mais il tuera la vieille squaw, sa mère. Qu'elle choisisse. Si elle vient à la tente d'Oweta, il donne la vie à la vieille squaw pour en faire ce qu'elle voudra. Si l'oiseau blanc dit toujours non, il la tuera sur le champ et n'en prendra pas moins l'oiseau blanc. Pendant cette étrange conversation, Mrs. Denison avait écouté, effarée et tremblante. Mais lorsqu'elle entendit ces menaces sauvages contre sa vie, elle tourna les talons et poussa un cri d'angoisse affolée, se mit à courir de toutes ses forces. Pensant s'échapper était folie. En une douzaine de bonds, Oweta était près d'elle, agitant en l'air son couteau étincelant. « Cette fois, Oweta, tu vieille squaw, sûr !» s'écria-t-il. « Pas elle. Non, ne la tuez pas, tuez-moi !» C'était Madge qui jetait ce cri en accourant auprès de sa mère. Elle se jeta au-devant du couteau qui descendait et couvrit de son corps le sein menacé de Mrs. Denison. « Oweta les tue toutes deux !» Saisi d'une rage soudaine, le chef lâcha le poignet de la plus âgée des deux femmes et saisit fortement Madge Denison à la gorge, tandis que de la main armée du couteau, il décrivait autour de la tête de la jeune fille des cercles de plus en plus rétrécis. La mort semblait ainsi s'abattre goutte à goutte sur elle. Quelques guerriers, auxquels le cri de désespoir échappait aux lèvres de Mrs. Denison, avaient donné l'alarme, étaient accourus et formaient un rassemblement avide de voir cette scène de meurtre. « Arrêtez !» Ce mot jeté d'une voix claire et vibrante fit résonner le canyon. « Arrêtez ! Qu'on touche cette fille au bout du doigt, qu'on lève une main contre elle, et le possesseur de ce doigt ou de cette main meurt aussitôt. Mes hommes sont derrière moi tout près. » Et si quelque chose m'arrivait, il me vengerait dignement. » Madge sentit l'étreinte se relâcher des doigts qui lui serraient la gorge, et, chancelante, elle se tourna dans la direction d'où venait la voix. À cheval, un pistolet dans chaque main, un homme menaçait les Comanches. Elle reconnut un visage qui lui était familier, celui de Damon Reeves. Elle poussa un cri de joie et courut précipitamment vers lui, mais tout à coup elle hésita et s'arrêta à mi-chemin, les traits contractés par une nouvelle expression de terreur. Elle venait d'entendre Oweta s'écrier « El Culebra !»